Merci beaucoup. Je crois que l'ensemble des communications, ces trois dernières plus les trois précédentes, ont toutes à leur façon, chacune à sa façon, montré la place complexe des femmes dans ce qu'on peut appeler, ce qu'on appelle souvent les différents secteurs de l'ingénierie coloniale, où elles ont joué un rôle actif, se sont intégrées dans divers dispositifs de contrôle, de domestication, d'encadrement, dans cette dimension particulière de l'action des églises ou des états colonisateurs qui était, on l'a dit et répété plusieurs fois, celle de l'éducation, de la santé, de l'aide sociale, etc. Pour autant, il me semble, et je retiens de ces interventions, que il y avait pour ces femmes des marges de manœuvre particulières, des expériences coloniales aussi spécifiques qui étaient liées bien sûr à leur position de genre dans cette société coloniale ou colonisée. Et enfin, les six communications ont montré l'ampleur des chantiers de recherche, je crois aussi tout simplement, et la capacité heuristique, qui n'est plus à démontrer, je crois, de la problématique du genre, qui non seulement explore des angles morts du passé colonial, mais aussi déplace, renouvelle les questions tout en contribuant, tout simplement, je crois qu'on l'a bien vu à travers les présentations par chacune d'entre vous, des sources nouvelles qui ont été à la base de vos travaux et de recherches, cette capacité donc à découvrir de nouvelles sources qui n'attendent justement que de nouveaux chercheurs et de nouveaux regards pour constituer des sources tout aussi valables, tout aussi riches, montrant la complexité de cette histoire du fait colonial. Alors on a une bonne heure, finalement, il est midi, l'horloge, et on vise 13 heures pour pouvoir se déplacer vers les différents endroits où on pourra manger. Une heure, ça me paraît un temps assez confortable pour lancer des questions, éventuellement lancer le débat, et que les uns les autres puissent s'exprimer. Donc, Ravira Coussieux, étudiante du CEGREF. Donc, j'ai une question pour Randy Desguilets. Vous avez parlé donc de la mission laïque française donc à ses débuts, et vous avez pu comparer avec le centenaire de l'année 1905. Et je voulais savoir quelle était un petit peu aujourd'hui, par comparaison, qu'est-ce qui reste un petit peu du discours colonial, ou comment se positionne aujourd'hui la mission laïque française par rapport à la situation actuelle. Et aussi, je pense à Sophie Lamoury, un petit peu dans le même esprit. La question serait, dans ce cas, qu'est-ce qui reste dans l'institution des assistantes sociales françaises de cette posture aussi coloniale aujourd'hui, ou est-ce qu'aujourd'hui on a cessé d'intervenir comme ça chez les gens? Peut-être qu'aujourd'hui les assistantes sociales sont plus, c'est à la demande, une demande d'intervention émanant des familles, à cause justement du post-colonial. Bonjour, Hélène Nicolas, je suis en fin de doctorat à Marseille. Je travaille sur les transformations de la conjugalité et du genre du mariage en Nouvelle-Calédonie, donc en pays Kanak. Moi, j'ai une question pour Madame Desguilets. Je voudrais savoir quel lien la mission laïque française entretenait avec avec les écoles indigènes, avec l'école indigène, donc les écoles françaises laïques qui étaient a priori présentes dans toutes les colonies. Et ce qui m'intéresse, c'est que, d'après ce que je connais, en tout cas en Nouvelle-Calédonie, les écoles laïques françaises étaient mixtes pour des raisons pratiques, parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'instituteurs et d'écoles. Donc c'était des écoles élémentaires, avec trois classes. Et en Nouvelle-Calédonie, jusqu'en 1946, ces écoles, par contre, fournissaient des diplômes pour les indigènes qui n'étaient pas les mêmes diplômes que dans les écoles blanches. Et les garçons indigènes avaient le droit de passer les diplômes pour les indigènes, et les filles indigènes, non, n'avaient pas le droit de passer les diplômes de fin de l'école indigène. Donc je voulais savoir comment la mission laïque française se positionnait par rapport à ces écoles-ci. Est-ce qu'elles en avaient des financements? Et est-ce que les logiques étaient les mêmes? Est-ce qu'il y avait des différences donc, de race et de sexe au sein de ces écoles de la mission laïque française? Lancelot Arzel, Centre d'histoire de Sciences Po. J'ai une question pour Sophia Lamry. Comment est-ce qu'ils faisaient pour communiquer ensemble les assistantes sociales et ces femmes? Est-ce que le français passait vraiment si bien que ça? Ou est-ce que finalement elles étaient dans une totale incompréhension d'un côté comme de l'autre? Et la deuxième question, quelle est la différence principale qu'on voit aussi sur ces assistantes sociales par rapport au travail qu'elles pourraient faire sur des ouvriers métropolitains, parisiens? Est-ce qu'on a le même discours finalement, un discours presque social en fait sur les classes populaires? Quel est l'élément en plus finalement qui va être sur les femmes algériennes? Est-ce que c'est seulement cette mission civilisatrice ou est-ce qu'on a la même vision assez négative finalement de l'ouvrier après la Seconde Guerre mondiale? Oui, bonjour Claude Nataf. J'ai une question pour Madame de Guilaine au sujet de la comparaison entre les lettres des institutrices de la mission laïque et celles des instituteurs et institutrices de l'Alliance israélite. Vous savez que les lettres des enseignants de l'Alliance israélite universelle avaient un but précis. Il y avait un plan. Les instituteurs devaient adresser tous les 2 mois au siège à Paris une lettre suivant un modèle type. Il devait y avoir 2 parties. D'une part, raconter, et c'est fort intéressant pour les historiens et les sociologues, un événement local, qu'il s'agisse d'un événement de la cité, qu'il s'agisse d'un événement de la communauté juive, qu'il s'agisse d'un événement de l'école. Et d'autre part, parler de leurs difficultés ou de leurs problèmes à l'intérieur de leur classe, la réception d'un manuel, par exemple, par les élèves ou par les parents, la difficulté d'enseigner telle matière. Et il y avait, en retour, des observations qui étaient faites par le secrétaire général de l'Alliance israélite, enfin les 2 secrétaires généraux qui se sont succédés, Leb et Bigard, qui étaient des gens assez autoritaires, mais en même temps des enseignants, qui leur donnaient les conseils nécessaires pour intéresser leur classe ou pour faire passer le message. Alors, est-ce que les lettres de la mission laïque ont le même objet? C'est-à-dire, est-ce que ce sont des lettres hiérarchiques, obligatoires, ou bien est-ce que c'était aux fonctions de telle ou telle difficulté que pouvaient rencontrer les institutrices qu'elles prenaient l'initiative d'écrire? Parce que là, il pourrait y avoir une comparaison très intéressante, il pourrait y avoir un travail très intéressant de comparer les difficultés ou les problèmes rencontrés par les enseignants d'une école laïque et par les enseignants d'une école confessionnelle, même si elle suivait les grands principes de l'enseignement laïque. Bonjour, Clamarie Nover. J'ai une question à poser à Sophia Lamry et j'aurais aimé savoir si... je suis là. Vous ne voyez pas, regarde. Non, tout. Voilà. J'aurais aimé savoir si à partir du déclenchement de la guerre de libération, il y a le service de l'assistance sociale a eu une forme de liaison avec soit la préfecture de police, soit le service de liaison nord-africaine, puisque ces femmes étant finalement des rares agents de l'administration française à rentrer dans les foyers, est-ce que, enfin, on peut s'imaginer qu'elles en aient profité pour peut-être donner des renseignements sur l'activité nationaliste en métropole? Bonjour, Françoise de Barbos, Université de Paris 8. C'est une question pour Sophia Lamry aussi. Je voulais savoir si vous aviez des éléments sur le recrutement de ces assistantes sociales par la préfecture de la Seine pour ce public de femmes algériennes. Est-ce qu'elles se distinguent par certains éléments des autres assistantes sociales qui travaillent auprès d'autres types de publics? Peut-être une dernière dans cette première série. Donc, Christelle Tarot, New York Université en France. Je voudrais poser trois questions en fait, aux trois intervenantes. À Randy d'abord, d'un point de vue chronologique, puisque nous avons commencé par elle. Est-ce qu'on sait pourquoi ce comité s'est appelé comité des dames? C'est quand même pas, c'est pas anecdotique d'appeler le comité des dames. Qui lui a donné ce nom-là? Puis peut-être nous dire où est le siège social et comment est-ce que c'est organisé de manière un peu plus précise? Et combien il y a de femmes à l'intérieur de ce comité? Et est-ce qu'il y a des niveaux hiérarchiques internes, des femmes qui, d'une certaine manière, pense la politique, et puis des échelons intermédiaires qui évidemment, à travers la politique d'éducation dont tu nous as bien parlé, sont les relais, finalement, des petites chevilles ouvrières dans les différents pays concernés. Donc ça, c'était ma question pour Andy. Pour Jane Haggis, évidemment, votre communication était tout à fait passionnante. Je voulais peut-être revenir sur, vous poser deux questions, ou peut-être vous demander de réagir sur deux choses. Vous avez dit que ces conversions en Inde du Sud concernaient plutôt les basses castes. Et donc, évidemment, je me posais la question de savoir si dans une problématique de classe, ça ne pouvait pas être pensé aussi comme une manière de rétablir un certain équilibre, finalement, avec les hautes classes, et donc d'être pensé comme un processus d'ascension sociale qui permettait, finalement, comme je le dis, quelque chose qui relève du rééquilibrage. Et puis, peut-être si vous pouvez développer, puisque nous avons un peu de temps, un peu plus sur cette question de sororité que vous avez abordée très vite. Et c'est vrai que c'est intéressant aussi de voir les interactions entre les femmes inscrites, les femmes blanches inscrites dans le projet colonial, et puis les femmes colonisées, et voir finalement quel type d'alliance, même si ce sont des alliances ponctuelles, même si ce sont des alliances insatisfaisantes pour toutes sortes de raisons, quelles sont quand même ces alliances circonscrites qu'elles ont pu à un moment, effectivement, par solidarité de genre, disons-le comme ça, mettre en place. Et puis pour Sophia Lamry, juste quand je vous écoutais, effectivement, j'avais vraiment le sentiment qu'on retournait dans ce contexte-là un discours finalement très 19e, d'idéologie bourgeoise du 19e, et que finalement les travailleurs algériens en France synthétise des nouvelles classes laborieuses, classes dangereuses, classes vicieuses. On en reparlera bien sûr au moment des ateliers sur les sexualités et sur les masculinités. Et donc j'ai vraiment le sentiment finalement que, à la différence peut-être d'un mouvement ouvrier blanc qui se normalise par finalement l'ascension sociale vers les classes moyennes, ceux qui incarnent vraiment le danger social et politique, ce sont les immigrés, et à travers le monde de l'immigration qui est très vaste en France, cette image finalement de l'autre absolu, ce qui est tout à fait intéressant d'ailleurs, parce que à mon avis l'immigré le plus proche du français c'est l'algérien, mais il est précisément constitué comme l'autre absolu. Et effectivement tous les fantasmes, les peurs, les angoisses à tout niveau se focalise. Et enfin, pour revenir à la question de Françoise de Barros, est-ce qu'on sait quelque chose sur le milieu social de ces assistantes sociales, d'où elles viennent, comment est-ce qu'elles ont été scolarisées, enfin, peut-être que c'est pas du tout là-dessus que vous avez travaillé parce que vos archives n'en parlent pas, mais si vous aviez quelques indications. Merci beaucoup. J'ai peut-être été un peu longue. Première série de réponses. Randy de Guillaume, faudrait commencer. Merci beaucoup pour ces questions. Je commence par la question qui concerne le financement des écoles de la mission. Et donc, moi, j'ai surtout étudié la situation des écoles de la mission laïque au Proche-Orient. Donc, pour ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie et d'autres régions, je ne sais pas trop pour le moment. Mais le financement, je prends l'exemple de l'école de Damas, de la mission laïque française, qui a été fondée la première année du mandat, dans 1919. Et là, le financement, même si c'est une sorte de la MLF, ce n'est pas un organisme de l'État, mais ce n'est pas un ONG non plus, vraiment, parce que le financement vient de l'État. Ça vient de la France, ça vient de l'État de la France, et j'ai publié un article il y a 5 ou 6 ans où j'ai travaillé un petit peu sur cette question-là, le financement, et donc tous les ans, mais c'était aléatoire parce que tous les ans, la hiérarchie de la MLF s'est rendue au Sénat, s'est rendue au petit comité budgétaire auprès de l'État de la France pour demander leur budget pour l'année, pour telle et telle et telle école. Ce n'était pas le même chaque année. C'était différent. Donc, il y avait beaucoup de lobbying, il y avait beaucoup de travail pour obtenir des crédits. Et donc, c'était lié très étroitement à l'État, mais en même temps, il y avait beaucoup de l'autonomie parce que c'était quand même un organisme complètement à part, mais en même temps dépendant, enfin c'est des complexes en même temps dépendants de l'État pour son budget. Ceci dit, ces écoles-là n'étaient pas gratuites, c'était payant. Donc les petits élèves, filles et garçons, leurs parents payaient. Il y avait, comme dans les autres écoles missionnaires payantes, il y avait aussi plusieurs places pour des pauvres, enfin pour des gens qui ne pouvaient pas payer. Et donc il y avait des bourses, des places gratuites pour les petits enfants. On essayait aussi, je vais aller de là parce qu'il y a encore un peu de temps, mais il y avait aussi un souci de créer un équilibre confessionnel pour montrer que ces écoles-là n'étaient pas seulement destinées à une religion, enfin des enfants issus d'une seule religion, mais on en a parlé aussi, enfin on a fait toutes les listes, par la suite il y avait combien de petits-enfants qui étaient maronites, qui étaient orthodoxes, qui étaient juifs, qui étaient musulmans. Et au début, c'était beaucoup des minorités, donc des non-musulmanes du Proche-Orient, mais par la suite, rapidement, surtout les classes aristocratiques ou les classes bourgeoises envoyaient leurs enfants à ces écoles-là, MLF. Et donc, c'était vraiment assez mixte pour ce qui concerne la composition des élèves. Donc, pour le financement, comme je dis, c'était changé d'une année à l'autre et aussi très, très lié avec la rivalité du moment. Si on croyait que les Britanniques prenaient beaucoup d'essor dans les domaines éducatifs en Syrie, au Liban ou en Palestine, on donnait plus d'argent à la MLF pour qu'ils puissent avoir plus de moyens. Donc c'était vraiment lié aux enjeux géostratégiques européens aussi. Alors, pour ce qui concerne les lettres, bon, à vrai dire, j'ai travaillé un tout petit peu à deux reprises dans les archives de l'Alliance universelle israélite, justement pour regarder un tout petit peu ces lettres-là. Bon, je vais faire plus de travail comparatif pour vraiment essayer d'approfondir la chose. Et donc, le fait que la correspondance entre les instituteurs et les institutrices de la AUI était normativisée, standardisée, c'est vraiment très intéressant pour pouvoir ensuite bien regarder les tendances de plusieurs choses. Ce que j'ai vu, j'ai longtemps travaillé dans les archives de la MLF, je n'ai rien vu de cette manière-là. C'était juste de la correspondance, c'est sûr qu'il n'y a pas tout, loin de ça, mais c'était la correspondance qui venait régulièrement dans les deux sens. Donc du siège qui se trouvait à la rue Miroménil, maintenant c'est la rue Humboldt, mais c'était avant la rue Miroménil, aux différentes écoles, à Alexandrie, beaucoup de choses de la MLF, l'école à Alexandrie, au Caire et plus tard à Beyrouth. Et également bon, à Damas, Tartous et Alep. Tartous ne fonctionnait que 10 ans en Syrie, sur la côte. Donc les lettres, on peut les comparer, mais de manière plutôt qualitative, parce que nous n'avons pas les mêmes... types de documents. Mais je crois que c'est vraiment très intéressant parce que dans la littérature de la mission laïque française, on parle où les personnalités qui étaient fondateurs de cette école disent clairement qu'ils ont pris l'Alliance universelle israélite comme modèle. Ça, c'est clair. Comme modèle. Et l'Alliance française aussi, voilà, oui. Mais d'une autre manière. Et si j'ai un petit peu de temps, je veux juste lire très rapidement, que j'ai trouvé là dans mes notes, une observation très intéressante d'une institutrice de la mission laïque qui travaillait en Indochine, c'est Madame Poirier. Je ne connais pas grand-chose pour l'instant à son propos. Il y a des noms, mais j'essaie... Bon, je ne suis pas de culture française au départ, donc c'est un petit handicap parce que peut-être quelqu'un qui connaît bien la culture française, il tombe sur Madame Poirier, cette personne connaît tout de suite ce que c'est, qui c'est, moi non. Donc je cherche pour savoir qui c'est cette Madame Poirier. Mais en tout cas, elle a dit quelque chose de très intéressant dans une lettre qui a été publiée dans l'almanach de 1912. Et elle parle, elle dit ça. Elle parle donc de l'Indochine. Le peuple annamite donne l'impression d'un peuple femme. Donc c'est un vraiment un regard de nos jours, enfin presque un regard genré, très intéressant. Le peuple annamite donne l'impression d'un peuple femme, ce que ne veut pas dire efféminé. Cela tient à la sensibilité vive, à la finesse d'intuition, à la mobilité inquiétante de l'âme, mais aussi à la situation unique où la femme est ici établie. C'est l'égalité des sexes comme ça des classes, un féminisme et un socialisme instinctifs qui peuvent servir de miroir à nos efforts en ces deux sens. Égalité de costume, la femme annamite porte un pantalon comme l'homme, l'homme a des longs cheveux roulés en chignon comme la femme. Il faut 1, 2, 3 jours aux touristes frais débarqués pour distinguer le sexe de ces formes noires, agiles, silencieuses. Volonté, activité, voilà le caractère de la femme annamite. Elle est partout au village, à la rivière, au marché. Elle porte des produits de sa récolte, riz, banane, coton. Un merveilleux flair de négoce préside au débit. À ses comptes, on ne le trompe pas sous les cours des piastres. Donc, moi, je trouve ça, ces observations très intéressantes. Enfin, c'est presque des observations anthropologiques, un peu. Et donc, voilà cette femme, Madame Poirier, qui s'installe pour un certain nombre d'années en Indochine. Et elle nous livre cette observation-là, qui maintenant, on doit démêler et analyser. Mais c'est vraiment très intéressant sur cette ambiguïté qui est gênante, sûrement, pour elle, pour d'autres. Cette ambiguïté sexuelle entre qui est femme, qui est homme, au départ, on ne sait pas. On ne sait pas. Et donc, elle publie ça carrément dans l'almanach de 1912. Et donc, ça, c'est dans la correspondance. Donc, c'est dans la correspondance. Elle envoie ses observations au siège, à la rue Miron-Mimille. Donc, pour aller un peu plus rapidement, je vais... juste prendre la question de la MLF et les écoles indigènes. Donc, il s'agit, tant que je comprenne, et les sources le montrent, donc ce sont deux choses différentes. Ce sont des écoles indigènes qui sont créées par l'État, qui sont destinées aux populations locales. Et il y a parallèlement, mais très très peu quand même, parallèlement, les écoles de la mission laïque française. Écoles mixtes, mais aussi écoles liées les deux. École mixte et l'école des garçons et l'école des filles. Par exemple, à Alexandrie, enfin, la première école a été fondée à Salonique, qui était encore à l'époque un territoire ottoman. Et donc, la première école a été fondée pour des filles et ensuite pour des garçons. À Alexandrie, il y avait une école pour les filles et une école pour les garçons. Ou bien, il y a des classes séparées. Donc, ça peut être le même bâtiment, mais il y a des classes séparées avec les entrées séparées. Donc, c'est les écoles mixtes, dans une certaine mesure, mais avec les classes donc, séparées, mais parfois avec des activités en commun. Donc, les fêtes de fin d'année, des chansons qui sont produites par les élèves aussi. Alors, pour ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie, comme j'ai dit, je ne connais pas grand-chose. Je me suis penchée sur les écoles du Proche-Orient ou de l'Égypte. En Algérie, il n'y en avait pas, parce que l'Algérie, c'est la France, donc il n'y en avait pas. C'est seulement pour les colonies et l'étranger. Donc l'Algérie, ce n'était pas question de mettre une école de la MLF suivant la logique de l'époque. Pourquoi cette appellation comité des dames? Je n'en sais rien. C'est pas indiqué nulle part. Non. Non, ce nom est là, 1912. Peut-être oui, Rebecca le connaît, ou quelqu'un d'autre peut-être le connaît. Mais je crois que mon comité, sûrement il y a un sens significatif, culturel, qui m'échappe. Moi, je ne sais pas, je ne connais pas. Mais je veux bien, s'il y a une référence, je suis très preneuse, j'aimerais bien comprendre. Donc, je savais qu'il y avait des magasins des dames. Toutes les grandes œuvres à l'époque, on s'en voit un comité des dames. Voilà, on le trouve aussi bien dans les œuvres laïques que dans les œuvres religieuses. Il y a le comité directeur et puis il y a un comité des dames qui apporte un soutien philanthropique. D'accord. Donc c'était tout à fait chose... Enfin, c'est pas surprenant qu'on l'appelle comme ça. Enfin, ça m'a pas surpris, mais... Ça se retrouve dans beaucoup d'associations. OK. D'accord. Donc je vais réfléchir sur ça. Et peut-être ma dernière question qui m'était posée, en fait, c'était la première question. La position... Quelle est la position aujourd'hui de la MLF vis-à-vis du côté colonial, bon, je vais dire comme ça, côté colonial de la chose. Donc, les gens qui travaillaient, quelques chercheurs qui travaillaient sur le MLF, ont été invités aux activités centenaires du G5, mais on ne les a pas invités de prendre la parole. C'était juste là, un petit peu... Moi, je suis allée parce que je me dis, bon, peut-être j'apprendrai quelque chose, mais c'était vraiment très élogieux, c'était merveilleux, voilà, tout ça. Enfin, je trouvais que c'était intéressant. Et après, on a vu ce que j'avais écrit, on m'a dit, ah, madame, non, vraiment, vous êtes trop critique, coloniale, non. Il y a vraiment la mission laïque, ça n'a rien à voir avec le colonialisme. Bon, donc c'était intéressant quand même à avoir cette réaction-là en 2005. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Laquelle de vous deux, questions. I'll try and do them justice, particularly the first one about lower caste, which is complicated. There's a history in southern India, at least, I'll be regionally specific, of communities using religion and conversion as a way of negotiating or renegotiating their status in what were complex politico-state formations prior to the incursion of European powers. Certainly some of the Muslim communities in South India, some of the Buddhist communities were a result of that in the preceding centuries. So there's a pattern of that. What happened when the Protestant missionaries, and again I'll be specific because there's another history of Catholic intervention in South India dating back much further to the Portuguese arrival. But for the Protestant missionaries who came, they came at a particular point, I think it was about 1809 that the first British Protestant missionary came into South India, and they could, for a start, they couldn't get easy access to many of the higher castes because of the constraints of proximity. These were well, at least I'm here if I specify, for example, the princely state of Travancore, which is the one I know most about, which covers most of contemporary central and southern Kerala and a little bit of southern Tamil Nadu. If you have an image of India, that's the southwestern coast. That was a very, very complex system of rule that had the highest class, not actually the political rulers, but symbolically high. The rulers were lesser but held a lot of power, and there was a very interesting marriage connection between those two castes that consolidated that. I won't go into that, but the British come into this, and the British missionaries, and without a very encouraging support from the British state. So this is the other thing. There's often a tension between the relationship between the colonial state and the missionaries. They're not quite sure whether they want the missionaries there or not, because, and I think this has been raised with some of the papers around the French colonial state, conversion can cause trouble. Evangelical, you know, missionising can upset the locals in ways that the colonial state would prefer it didn't. That's putting it very simply. But the people they could access were often the poor people. Also, what they saw, this was at a time in Britain where you have evangelicals heavily involved in anti-slavery movements. The missionaries of that time are from the artisanal class. They're not educated elites. They're often self-educated. Evangelicalism itself, in the English context, is kind of almost progressive movement, well, perhaps in the time, a kind of a social reform movement in a way, or a religious reform movement, much more activist. And it had, I think, personally, underpinning it, a kind of a certain humanism and beginning of human rights, if you like, what we would see today as some kind of concern with social justice that came from that assumption that all were born equal under God. So this comes out in the anti-slavery campaigns that are at their height at this time. When they go into South India, what they see are forms of what I would say at the very least are agrestic serfdom and may well have been forms of slavery. There were groups in Travancore, for example, who could not be seen by other castes, certain other castes, who could not use public roads. I've interviewed elderly Indian Salvation Army man who told me how even in his youth in the 1920s he had to approach the local store and wait until someone would kindly offer to go in and buy the sugar and flour his family needed because he was not allowed in to that shop because it was a caste-owned store. So when they came in, they also saw an opportunity, you know, that there was what they call it, social gospel, if you like, as against just souls. And again, I hear echoes here of some of the other papers we've heard this morning about, is it souls, is it preaching, is it conversion, or is it health and education and so on? And that was a tension for them. So there was a kind of push-pull, if you like, connection, I would say, but for the missionaries to contact the lower castes, or some of the lower, and often the lowest castes, and for some of the lowest castes, this was a new opportunity to rejig their political and ritual status. For example, the missionaries were often perceived, rightly or wrongly, to be a way of accessing resources through the new British Raj. I spent a few days in the British Library before I came here, reading some accounts of what they call a mass movement, where land was being distributed by the colonial state. So this was in northern India, but I think the same would hold. And groups of people came over to Christianity, to the missionaries, in the hope that this would allow them to get access, privileged access, through the state, because they'd be Christian. What I would suggest is that most definitely, and I think there's been some very interesting work done by both Indian and non-Indian historians of colonialism lately to show the kind of agencies of local communities and individuals in conversion that are really beyond what the missionaries were on about. You know, they had their own logics and their own reasons, shall I say, for conversion. Obviously, there's been some very interesting work done around Southern Africa too, the Comoros and scholars such as that around that. So I hope. I don't know as it was necessarily in reference to re-establishing a stability with the higher caste, because of course this was a time of major transformation in Indian society because of the new political economy, new forms of capitalism, new forms of trade and jobs. So, for example, many of the local Christian converts in the part of India I've looked at found themselves able to get jobs as plantation labour, which was considerably better than the kind of agrestic serfdom or bondage that they were involved in the pre-colonial or still remnant in the old economy, I'd say, because it's obviously existing in the same area. So moving into the kind of capitalist sectors of the economy was actually better for them, even though we might see plantation labour as having its own set of problems, and they came to see that too, of course. It's quite fascinating, very complex, and I haven't done it justice. But so I would say they were renegotiating not so much in terms of the old hierarchies, or perhaps initially they were, but in fact positioning themselves in terms of the new order. It's interesting because Krupa Bai actually opens her book with a sentence, I can't remember it now, but it actually mimics Michel Foucault, which kind of took me a bit aback. I thought, hang on a minute. And it's something like, there is a new order of things. That is her first sentence. There is a new order of things. And I'm kind of going, what? When because it made me think of his work. But so they were very conscious at the time of things changing. There's another question. Do you want me to take that now or we'll come back? How are we going for time? Yes. Okay, well, I was fascinated when you said that sisterhood. Just what term in French? And I also think it connects very strongly with both Sophia's paper and Randy's and some of the others in terms of the contradictions where you have women who appear to be empowering themselves, perhaps as social workers, perhaps as missionaries going overseas or whatever, or lay workers, who are then proselytising the very ideology that they are escaping, if you like, or the very life circumstances. Well, what you had, what sister encapsulated in the evangelical missionary literature in Protestant England at this time, or Britain, is a kind of claim to the universal, we are all women. The grounding of that was a certain amount of biological essentialism, you know, we are women, but also in terms of a spiritual and religious role, which was that women were, if you like, the moral keepers. Men couldn't really be trusted with that. You know, that was women's job. Why? Because they nurture children. And so they have that early civilising, socialising, spiritualising influence. So they're the ones, if you like, who are the keeper of the souls, if I can put it that way. I'm not sure they would have, but... so the mission of sisterhood kind of claims an equivalence with Indian women. In one sense, we are women, and so therefore it is our responsibility to help you. And they have phrases like the poor, our poor benighted sisters. Benighted meaning bereft, oppressed, similar images of oppression. But what they do, and there's been some very interesting Anglo-American, Australian historical work on the women missionaries themselves and how they're part of this professionalising, liberating process, almost because the Indian and the African and the Chinese women are there to be, in discursively, to be positioned as needing them. This gives them the argument to go outside the home, if I can put it that way, in a respectable, legitimate, religiously sanctioned. So sisterhood, briefly, kind of captures an intense feeling of responsibility and connection. But it doesn't stop proselytising domesticity. I should just very briefly add, and I don't know if this is part of French 19th century gender discourse, because I don't know enough about it, having read some but not much French history, that the idea of separate spheres for men and women was incredibly important in Victorian English gender ideologies and American, North American, most of the Anglo-speaking world of that time, certainly in Australia. The idea that, you know, there was a women's sphere and a men's sphere. I mean, in a strange kind of way, not that dissimilar from some of the spatial distinctions of gender that you find in, for example, India, but, of course, misrecognised somehow. More morally and culturally superior. Thank you. Alors, en parlant de paradoxe, je crois que la question de l'action sociale spécifiquement réservée aux populations citoyennes françaises musulmanes en Algérie est vraiment au cœur du paradoxe de cette citoyenneté. Et il faut voir que tout ce qui est mis en œuvre en direction de cette population coloniale depuis l'entre-deux-guerres, notamment avec le service, la brigade nord-africaine, l'hôpital franco-musulman, et ce qui se perpétue après avec l'action sociale, tend à travailler sur cette fracture au cœur de la citoyenneté et de la nationalité française. D'un côté, il y a une action sociale à destination des seuls citoyens français, notamment au monde ouvrier, aux paysans, pour les intégrer, donc, à s'assimiler à cette norme, nouvelle norme dominante, qui est une norme aussi bourgeoise, qui se met en marche après 1945, parce que on est dans l'État-providence, en fait. Et en même temps, on a donc les Algériens bénéficient de tout ce travail d'assimilation nationale en tant que citoyens français. Et paradoxalement, ils font l'objet d'un traitement spécial, à part, en tant que issus du monde décolonisé et issus des départements français d'Algérie. Et donc, sur le terrain, on va avoir un travail redoublé sur ces populations, à la fois pour ces assistantes sociales qui viennent d'être formées pour travailler à l'assimilation de ce corps social. Il va être redoublé sur ces populations parce qu'à la fois, elles vont, en tant que citoyennes, elles vont bénéficier de toute l'aide qu'ont tous les citoyens français, surtout du monde ouvrier. Et elles vont, en plus, avoir droit à cette aide qui vient à domicile pour les aider à s'adapter à cette vie française. Ce qui n'a pas lieu pour les populations étrangères. Voilà. Donc je pense vraiment qu'il se passe quelque chose d'assez important après la guerre concernant ces populations et justement ces femmes qui ont peu intéressé parce qu'elles n'étaient pas dans le monde ouvrier, on n'était pas dans la dénonciation aussi de l'exploitation ouvrière, après les femmes on est des inactives et donc toute cette œuvre sociale va fortement les concerner, d'autant que les assistantes sociales ont une très mauvaise réputation pendant l'entre-deux-guerres. Elles sont rejetées par le monde ouvrier, elles sont perçues très négativement, pratiquement on leur ferme à la porte au nez pour aller vite. Quand les femmes arrivent algériennes, elles sont quelque part un peu vierges de tout, elles n'ont pas intériorisé tout ce discours qu'elles vont peut-être intérioriser avec le temps, qui circule dans le monde ouvrier contre ces intruses, parce qu'elles sont perçues comme telles. Jusque dans les années 60-70, à mon avis. Après, je pense que ça change. Et donc, il va y avoir un travail possible pour ces assistantes sociales avec cette clientèle qui devient accessible, facile et sans préjugés. Donc, elles vont beaucoup plus se diriger vers celle-ci. Donc, cette action sociale donc, qui a de viser l'assimilation des citoyens français des conditions modestes, en fait, et aussi, donc, qui assimile au nous collectif national. Et à côté de ça, on a un travail spécifique qui met à part, qui discrimine, en direction des populations qu'on dit nord-africaines. Et donc, on est toujours sur ce paradoxe qui fait qu'on dit sans arrêt, vous êtes des nôtres, et sans arrêt, mais vous êtes des autres. Donc, c'est ce qui est intéressant aussi, qui rend fou aussi quelque part. Ce qui n'est pas vrai pour les étrangers, puisque eux n'en bénéficient pas. Et de plus, il ne faut pas oublier qu'ils sont aussi les citoyens algériens, comme je vous l'ai dit, les citoyens de plein droit jusqu'en 62, ce sont des administrés d'une ville. Donc aussi, on va vers eux parce qu'ils votent. Et ils ont voté, notamment à Boulogne-Billancourt et ailleurs. Donc aussi, ils font l'objet d'une attention particulière, qui a très peu été étudiée en fait. Voilà. En ce qui concerne cette question aussi vraiment au cœur de cette citoyenneté nationalité qui produit aussi des effets concrets en fait. Donc en gros l'idée c'est ces assistantes sociales, elles ont enfin en face d'elles une population qui n'est pas hostile, qui les accueille et qui n'a pas de préjugés. Et à côté de ça c'est tellement plus simple d'aller vers des femmes que vers les foyers ouvriers où ce sont des hommes, un monde masculin beaucoup plus inaccessible aussi pour le monde des femmes. Pour la communication. Donc voilà un champ, c'est pour ça que je parlais de champ d'expérimentation pour ces nouvelles générations d'assistantes sociales. En ce qui concerne la question de la communication, en fait, les assistantes sociales, les femmes algériennes, elles sont plus ou moins, enfin, pas autant que les hommes, c'est vrai, mais elles sont quand même acculturées dès le départ à la culture française, puisque l'Algérie, c'est la France. et qui a déjà eu finalement un contact interethnique avant la migration, ce qui n'était pas vrai pour les Polonais, les Italiens, etc. Il y a une proximité qu'on dit coloniale dans ce cas. Néanmoins, c'est vrai, hein, les Kabyles notamment, qui étaient quand même si après-guerre, on a toute la région de Tlemcen qui se développe en termes d'immigration, il y a une forte présence kabyle. Et déjà même avant la Première Guerre mondiale, hein, d'ailleurs, on commence à les voir. Elles parlent pas français, mais elles ont soit leur époux qui vient les aider, ou des voisines, hein, qui viennent faire ce travail de traduction approximatif. Mais on voit bien dans l'entretien avec Rachida qu'elles font aussi semblant de pas toujours comprendre, pour aussi protéger, hein, comme n'importe qui. C'est beaucoup plus facile qu'un ouvrier de dire « moi, pas savoir parler français », comme ça on est tranquille, que quand on parle bien français. Quoi. Elles ont des stratégies, évidemment, pour se protéger comme du regard curieux, hein, comme souvent, dans les classes populaires, en fait. Alors, en ce qui concerne... juste parce que ça me revient, la ligne de fracture sur la question du traitement social est très importante, parce qu'on a un traitement social différencié entre un même monde ouvrier. Vous avez une population qui est étrangère, qui est regardée comme la plus étrangère à la nation française, qui est la population algérienne à l'époque, qui représente l'altérité totale, qui se voit bénéficier dans les mêmes quartiers ouvriers de certains droits, dont sont exclues les populations ouvrières d'origine étrangère. Hein. Vous voyez comment cette fracture traverse cette ethnicité. Enfin voilà, il y a une fracture avec l'origine du traitement social qui crée certainement des tensions dans les quartiers populaires et ouvriers où les populations coexistent. Voilà. Donc pour les classes populaires, donc je vous ai dit qu'il y avait un fort rejet, hein, donc du monde ouvrier, des assistantes sociales, hein, qui étaient plutôt issues du monde de la bourgeoisie, hein, après, jusqu'à dans les années 50-60. Après, le recrutement change dans les années 70 et il y a une forte critique, hein, de l'action sociale qui a lieu au courant des années 70. Mais encore dans les années 50, ça recrute quand même dans la classe petite bourgeoise, catholique, et quand même très peu dans le monde ouvrier, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. On a, en fait, donc il y a une vraie différence entre le traitement social des hommes et des femmes. On retrouve aussi une ligne de fracture entre l'action sociale en direction des hommes, on l'a vu tout à l'heure, qui ont droit à l'alphabétisation, et les femmes à l'enfermement dans un rôle de mère au foyer, en gros, pour aller vite. Alors, pendant la guerre d'Algérie, la question sur si ces femmes assistantes sociales pouvaient être des agents, en fait, de renseignement. Alors, on sait que... Moi, j'ai travaillé sur l'hôpital franco-musulman, l'entre-deux-guerres. Il y avait les infirmières visiteuses qui travaillaient aussi avec l'hôpital franco-musulman et la brigade nord-africaine, hein, de la rue Lecomte. Et le service infirmier, dont on entend peu parler, allait vraiment à domicile chez les tuberculos, surtout nord-africains, hein, mandatés par la brigade nord-africaine, pour réellement faire un travail de renseignement, en fait. Je pense, en revanche, qu'après la guerre, dans la mesure où les assistantes sociales sont recrutées au niveau national, qu'elles ont une formation nationale, que leur profession est reconnue, je pense qu'elles sont quand même investies de cette idée de mission, d'intégration. Voilà. Et on peut, je pense, retrouver des femmes, effectivement, qui peuvent faire un peu des agents de liaison et pour tirer des renseignements, mais aussi des militantes qui viennent tendre la main à des sœurs. Voilà, et puis des femmes, en tout cas j'ai une anecdote autour de ça, qui étaient plutôt engagées avec le Parti communiste, qui militaient aussi dans le sens de l'indépendance de l'Algérie. Voilà. Alors, mais il y a des choses à faire probablement sur cette période, évidemment. Mais c'est vrai que les femmes ont su aussi se protéger, justement en jouant sur leur étrangeté, du fait qu'elles n'aillent pas à l'usine, etc., que beaucoup étaient à la maison. De se préserver aussi de trop de curiosité et d'informations à donner, en tout cas contre les leurs, pour aller vite. Alors, voilà. répondre à la question du discours qui est tenu sur l'incapacité à faire correctement la cuisine, à nourrir un bébé. Si je remets avec mes propres mots la question qui était posée, est-ce que le discours qui est tenu à ces femmes musulmanes, c'est pas plus ou moins le même discours qui a été tenu aux femmes ouvrières? C'est-à-dire que moi j'avais noté, est-ce qu'on peut aussi, on ne peut pas remplacer femmes musulmanes souvent par femmes ouvrières ou femmes paysannes dont on sait bien qu'elles s'occupent mal de ses enfants, qu'elles ne savent pas nourrir correctement sa famille, etc. etc. Oui, alors c'est sûr. Au même moment, on a aussi un travail donc, de normalisation qui s'adresse au monde ouvrier et aux paysannes aussi. Hein, ce que j'ai retrouvé réellement dans les textes quand j'ai travaillé sur la médaille de la famille. Mais ce qui est vrai, elles opposent beaucoup plus de résistance. En face d'elles, les femmes algériennes, elles sont quand même, elles sont dans une posture de colonisées. Donc elles sont dans l'hypervigilance. Donc il faut à la fois ouvrir et on ne peut pas complètement fermer la porte. Alors que je pense que dans le monde ouvrier, c'est beaucoup plus facile de fermer, de refuser qu'elles rentrent dans la maison. Et d'ailleurs, la différence, c'est que souvent les assistantes sociales se mettent en mouvement quand on a une demande. C'est plutôt les femmes qui vont vers elles dans des bureaux au centre-ville ou à la mairie pour demander des informations. Alors que là, les Algériennes, même si elles vont très bien, si elles n'ont aucun problème social, on va systématiquement leur rendre visite. C'est juste cette différence, je pense qu'elle tient à ce statut colonial. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu. Donc là, à force d'avoir du temps, finalement, on va finalement plus avoir tant de temps. Quelques brèves, vraiment brèves questions et brèves réponses. Et éventuellement, d'ailleurs, pour qu'il y ait un semblant d'équilibre, si vous aviez des questions que vous n'avez pas eu le temps de poser aux trois précédentes du panel de début de matinée, n'hésitez pas. Mais bon, visons vraiment ce 13h, 13h05 maximum. Bonjour, Camille Faureau, doctorante à l'EHESS. Ma thèse porte sur des femmes françaises qui vont travailler en Allemagne pendant la guerre. Et justement, ce sont des femmes très encadrées par des assistantes sociales, très, très contrôlées. Et je pense qu'une des façons dont on pourrait penser la différence entre ce que vous racontez et ce que moi je vois sur des femmes qui sont majoritairement des femmes blanches, françaises, de classe ouvrière, c'est la suspicion par rapport à leur sexualité. En fait, le contrôle des femmes ouvrières de métropole passe beaucoup par une suspicion autour de leur sexualité. Je n'ai pas retrouvé ça dans ce que vous disiez. Peut-être que ça serait une des façons de creuser la différence. Bonjour, Akila Kizier, doctorante à Paris 8. Ma thèse porte sur la prise de parole en contexte de domination, notamment des femmes. Et je m'intéresse au parcours intellectuel de la première écrivaine francophone qui est Taoussaint Brouche. Ma question, c'est pour Sophie Alamry. Et elle concerne en fait ces assistantes sociales qui sont engagées dans cette action sociale. Est-ce qu'elles allaient dans, par exemple, les bidonvilles de Nanterre? Est-ce qu'elles avaient des quartiers ou des arrondissements dans Paris à visiter où elles sortaient, notamment pour aller dans ces bidonvilles où la vie n'est pas forcément... Bonjour, Hélène Nicolas, doctorante à Marseille. Moi, j'aurais aimé que vous reveniez sur ce que vous disiez tout à l'heure sur l'histoire de la main gauche de la colonisation. Est-ce que vous pouviez un peu plus définir ce que vous entendez par là? Et j'ai une autre question, parce que je trouvais ça très intéressant que justement l'idée de conversion soit associée à la fois au monde laïque et au monde religieux. En Nouvelle-Calédonie, l'adoption d'un système de genre chrétien et de normes de genre, on va dire françaises, britanniques, parce qu'il y avait des missionnaires des deux pays, était la preuve de la conversion. Et moi, vos interventions, je me demande à quel point dans l'idée de civilisation, de conversion laïque, justement l'adoption d'un nouveau système de genre, d'un système de genre proche du pays colonisateur, est un signe d'assimilation, de conversion ou de civilisation. Excusez-moi, c'est des questions un peu vastes. Oui, mais c'est pas grave. On va peut-être passer aux réponses. Hein. Pour la question de la sexualité, alors justement, l'arrivée des femmes et des familles, ça, c'est plutôt quelque chose dans un premier temps, avant qu'on s'aperçoive que les enfants vont grandir et vont manifester dans les années 80, c'est plutôt une bonne chose. Puisque les parce qu'on les appelait, les Algériens, on les appelait les célibataires. Hein, c'était le langage. Hein. Même s'ils étaient mariés, ils étaient célibataires. C'est-à-dire, on a des foyers, on a une population ouvrière très masculine, avec une surreprésentation des hommes, et leur sexualité est perçue comme très inquiétante. Hein. C'est tout le discours sur l'entre-deux-guerres, sur la syphilis, les maladies, etc. Avec la venue des femmes, elles sont, dans ce contexte aussi d'après-guerre, plutôt bienvenues, parce que on voit à travers elle un des agents d'intégration très fort, et puis une stabilisation des hommes, un contrôle aussi sur leur sexualité. On est dans autre chose, en fait. Hein. C'est plutôt, et en plus, ces femmes, il y a tout un imaginaire sur la femme algérienne qui serait plutôt une bonne mère, quelqu'un qui retient les hommes et qui règne dans ses valeurs quelque chose proche de ce que défend aussi le modèle bourgeois familialiste de l'après-guerre. Hein, voilà. D'ailleurs, d'un certain point de vue, il y a des points communs aussi. Hein. D'autre part, en ce qui concerne les bidonvilles et les Nanterres, déjà, il y avait, par exemple, sur Gennevilliers, parce que je connais plus le bidonville de Gennevilliers, l'église de Saint-Jean-de-Grésillon qui avait un dispensaire, qui œuvrait énormément dans l'action sociale, mais là, on est dans une œuvre à caractère religieux. Il y avait effectivement à Nanterre, je vous ai dit, le service social nord-africain est représenté dans pratiquement toutes les villes de la région parisienne. C'est énorme, quand même. Et surtout dans les lieux à forte, on va dire, concentration, comme disait à l'époque, de ces populations. Néanmoins, il y a à Boulogne-Billancourt, il n'y a pas de bidonville, il y a un service social nord-africain très actif, hein, puisqu'il y a beaucoup d'articles qui sont repris dans les cahiers nord-africains. Ouais. Voilà. Bizarrement, une question m'était destinée. Donc, c'était au tout début de l'intervention une allusion un peu approximative, hein, comme je l'avais dit, un vague souvenir d'avoir lu chez Bourdieu ou entendu Bourdieu dire. Alors, était-ce, si je l'ai lu dans La domination masculine ou était-ce à l'occasion d'une conférence, dire qu'il y avait une main droite et une main gauche de l'État. La main droite étant tout ce qui était régalien, important, financier, armé, etc. Et la main gauche étant tout ce qui était social, éducatif, santé. Et que, il remarquait, c'est pour ça que je parle sous le contrôle de la salle, et si vous avez la réponse exacte à la paternité du concept, n'hésitez pas à me contredire. Et il faisait remarquer donc que du côté de cette main gauche, on trouvait très souvent les femmes, que ce soit au poste de secrétaire d'État, ministre, d'autorité, disons, ou bien dans les métiers qui, justement, on sait bien que l'éducation est beaucoup plus féminisée que masculine, etc. Donc c'était une sorte de, voilà, d'allusion un peu approximative et de pirouette. Du coup, j'avais proposé cette idée de main gauche de la colonisation. Est-ce que vous mettez les missionnaires, l'action missionnaire là-dedans? Si on continue à filer la métaphore, on peut dire que c'est la main gauche de l'Église. Bon, vous voyez, c'est-à-dire que comment finalement les femmes vont assez systématiquement dans les dispositifs coloniaux être de ce côté du volet éducatif, sanitaire, social. Voilà, ça vaut ce que ça vaut, ça mérite discussion, pas plus que cela. Et je crois qu'on pourrait en terminer. Et...